Vie de saint François d'Assise par Paul Sabatier. Étude critique des sources. Les manuscrits et les éditions des Fioretti en sont presque innombrables. Monsieur Luigi Manzoni les a étudiés avec un soin qui fait vivement désirer qu'il continue ce difficile travail. Studi sui Fioretti, Miscellanea, 1888. Quand se trouvera-t-il quelqu'un qui voudra et pourra se charger d'en faire une édition scientifique? Les Actu Beati Francici et Sociorum et Jus, qui en sont l'original latin, ont été publiés par Paul Sabatier. On ne peut songer à indiquer ici les diverses traductions françaises, signalons seulement dans la collection Caritas, Paris, Blou, 1926, Fioretti, traduction de Monsieur Arnold Goftir, avec une excellente introduction sur les sources de la vie de saint François. Avec les Fioretti, nous entrons définitivement dans le domaine de la légende. Ce bijou littéraire raconte la vie de François, de ses compagnons et de ses disciples, telle qu'elle apparaissait au commencement du XIVe siècle à l'imagination populaire. Nous n'avons pas à nous arrêter à la valeur littéraire de ce document, une des productions les plus exquises du Moyen-Âge religieux, mais on peut bien dire qu'au point de vue historique, il ne mérite pas l'injuste oubli où on l'a laissé. Le courage a manqué à la plupart des auteurs pour réviser la sentence prononcée contre lui, d'un cœur bien léger cependant, par les successeurs de Bollandus. Comment s'arrêter à une œuvre que le père Suiskens n'avait même pas daigné lire? Ce qui donne cependant à ces récits un prix inestimable, c'est ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, leur atmosphère. Ils sont légendaires, transformés, exagérés, faux même si l'on veut, mais il y a quelque chose qu'ils nous rendent avec un coloris d'une vivacité, d'une intensité qu'on chercherait vainement ailleurs, le milieu dans lequel vécut saint François. Mieux qu'aucune autre biographie, les Fioretti nous transportent la base en Ombrie, et au milieu des montagnes de la marche d'Ancône, pour nous en faire voir les ermitages, et nous mêler à la vie moitié puérile et moitié angélique, qui était celle de leurs habitants. Il est difficile de se prononcer sur le nom de l'auteur. Son rôle se borne du reste à recueillir, dans la tradition écrite et dans la tradition orale, les fleurs de son bouquet. La question de savoir s'il écrivit en latin ou en italien a été fort discutée, ce qui est sûr, c'est que si son œuvre est antérieure aux conformités, elle est de peu postérieure à la chronique des tribulations, car il serait étrange qu'elle ne fît aucune mention di Angelo Clareno, si elle avait été écrite après sa mort. Note. Les conformités. Barthélemy de Pise les rédigea en 1385, or, certains manuscrits des Fioretti sont antérieurs. De plus, dans les récits que les conformités empruntent aux Fioretti, on sent le travail d'abréviation de Barthélemy. Fin de la note. Ce livre est en effet une chronique essentiellement locale. Note. Je ne parle ici que des 53 chapitres qui forment le vrai recueil des Fioretti. Fin de la note. L'auteur a voulu dresser un monument à la gloire des frères mineurs de la marche d'Ancône qui comptait cette custodie. Cette province, qui est évidemment la sienne, n'a-t-elle pas ressemblé au ciel resplendissant d'étoiles? Les saints frères qui l'ont habité ont, comme les astres du ciel, illuminés et ornés l'ordre de saint François, remplissant le monde de leurs exemples et de leurs enseignements. Aussi en connaît-il les plus petits villages, ayant tous à quelque distance leur monastère, bien isolés, d'ordinaire près d'un torrent, à la lisière d'un bois, et au-dessus de lui, vers les cimes, Quelques cellules presque inaccessibles, asile des frères encore plus épris que les autres de contemplation et de retraite. Note. À chaque page sont rappelés ces bois qui furent à l'origine la dépendance indispensable des monastères franciscains. Fin de la note. Les chapitres qui concernent Saint François et les frères d'Ombry ne sont là que comme une sorte d'introduction, Égide, Macéo, Léon d'un côté, Sainte-Claire de l'autre, viennent témoigner que l'idéal, à la portion culée à Saint-Damien, avait bien été celui auquel plus tard Jacques de Massa, Pierre de Monticulo, Conrad de Fida, Jean de Peña, Jean de l'Alverne tâchait d'atteindre. Tandis que la plupart des autres légendes nous donnent la tradition franciscaine des grands couvents, les Fioretti sont à peu près le seul document qui nous la rend telle qu'elle se perpétuait dans les ermitages et parmi le peuple. À défaut d'une exactitude de détail, les traits qui y sont racontés contiennent en eux une vérité supérieure, le ton est juste. Voici des paroles qui n'ont jamais été prononcées, des faits qui ne sont pas arrivés, mais l'âme et le cœur des premiers franciscains ont bien été tels qu'ils sont ici dépeints. Les Fioretti ont cette vérité vivante que donne le pinceau. Il manque quelque chose à la physionomie du pauvre Hélo quand on oublie sa conversation avec frère Léon sur la joie parfaite, son voyage à Sienne avec Masséo, ou même la conversion du loup de Gubbio. Il ne faudrait cependant pas exagérer le côté légendaire des Fioretti, il n'y a pas plus de deux ou trois de ces récits dont le noyau ne soit historique et facile à retrouver. Le fameux épisode du loup de Gubbio, qui est sans doute le plus merveilleux de toute la série, n'est, pour parler comme les graveurs, que le troisième état du récit des brigands de Monte Casal, fondu avec une légende de l'Alverne. Les récits se pressent dans ce livre, comme des volets de souvenirs qui arrivent pêle-mêle, et où des détails insignifiants occupent bien plus de place que les plus grands événements, notre mémoire est, en effet, une grande enfant, et ce qu'elle retient d'un homme. C'est d'ordinaire un trait, un mot, un geste. L'histoire scientifique fait effort pour réagir, pour marquer la valeur relative des faits, amener ce qui est important au premier plan, rejeter ce qui est secondaire, dans la pénombre. Ne se trompe-t-elle pas? Y a-t-il de l'important et du secondaire, ou plutôt peut-on arriver à le marquer? L'imagination populaire a raison. Ce qu'il faut retenir d'un homme, c'est le regard dans lequel il s'est mis tout entier, c'est un cri du cœur, c'est un geste qui a exprimé la personnalité. Tout Jésus n'est-il pas dans les paroles du dernier souper, et tout Saint François, dans son allocution à Frère Loup, et son sermon aux oiseaux? Gardons-nous donc bien de mépriser ces documents où les premiers franciscains se sont racontés tels qu'ils se voyaient. Éclos sous le ciel de l'Ombry, au pied des oliviers de Saint-Damien ou des sapins de la marche d'Ancône, ces fleurettes sauvages ont un parfum, et une originalité qu'on attendrait, en vain, de fleurs entourées des soins d'un savant jardinier. Appendice des Fioretti. Dans le premier de ces appendices, le compilateur a réparti en cinq chapitres tous les renseignements qu'il a pu recueillir sur les stigmates. Note. Cet opuscule circulait sans doute à la fin du XIVe siècle, car vers 1390 nous le voyons cité par Barthélemy de Pise. Le Speculum Vitae folio 92 à 96 donne cette histoire de l'invention de l'alverne sous une forme légèrement différente. Fin de la note. Il est facile de comprendre le succès des Fioretti. Le peuple s'éprit d'amour pour ces récits où Saint François et ses compagnons apparaissaient tout à la fois plus humains et plus divins que dans les autres légendes. Aussi éprouva-t-on bien vite le besoin de les compléter pour en faire une véritable biographie. Note. Ce désir était si naturel que le manuscrit de la bibliothèque angélique renferme plusieurs chapitres additionnels sur la donation de la portioncule, l'indulgence du 2 août, la naissance de Saint François, etc., voir Ammoni, Fioretti, Roma, 1889, page 266, 378 à 386. Une intéressante étude serait de rechercher l'origine de ces documents et d'établir leur parenté avec le spéculum et les conformités. Fin de la note. Le second, intitulé « Vie de frère Juniper », n'a qu'un rapport assez indirect avec saint François, il mérite cependant d'être étudié, car il présente le même genre d'intérêt que le recueil principal, auquel il n'est sans doute guère postérieur. Dans ces 14 chapitres, on trouve les principaux traits de la vie de ce frère, dont les folles et saintes bizarreries défraient encore les conversations des monastères ombriens. Ces pages sans prétention nous découvrent une partie de l'âme franciscaine. Les historiens officiels avaient cru devoir garder le silence sur ce frère qui leur paraissait surtout un indiscret personnage, fort encombrant devant les laïcs pour le bon renom de l'ordre. Ils avaient raison à leur point de vue, mais il faut savoir gré aux Fioretti de nous avoir conservé cette physionomie si gaie, si modeste et d'une bonhomie parfois si malicieuse. Certainement saint François ressemblait plus à Juniper qu'à frère Élie ou à saint Bonaventure. Note. Juniper avait été reçu dans l'ordre par saint François. En 1253, il assista à la mort de sainte Claire. Fin de la note. Le troisième, vie de frère Égide, nous raconte la vie du fameux extatique. Note. La Vita Fratris Egidii par frère Léon ne paraît pas nous être parvenue dans son intégrité. Le compilateur de la chronique des 24 généraux qui nous l'a conservé lui a infligé le même traitement qu'à ses autres sources. Voulant abréger, il n'a conservé que les faits qui lui paraissaient les plus intéressants, les récits merveilleux, et il a supprimé les parties narratives. Même ainsi, la légende d'Égide par frère Léon a encore une valeur de premier ordre pour la compréhension du caractère de la première génération franciscaine. On peut bien moins encore en voir l'original dans les quelques pâles et insignifiantes pages que le Père Lémence sur la foi d'un manuscrit de Saint Isidore a publié. Il semble d'ailleurs qu'il y ait là un résumé de deux documents. Fin de la note. On retrouve, en lisant les textes si défectueux que nous donnent les éditions actuelles, la main d'un annotateur dont les indications se seront glissées dans le texte, mais malgré cela, cette vie a un charme singulier. Note. Les 7 premiers chapitres forment un tout. Les 3 qui suivent sont sans doute une première tentative pour les compléter. Fin de la note. Ce frère toujours errant, dont une des principales préoccupations est de vivre de son travail, est une des figures les plus originales et les plus heureuses de l'entourage de saint François, et c'est dans son genre de vie qu'il faut aller chercher le sens véritable de quelques-uns des passages de la règle et précisément de ceux qui ont eu le plus à souffrir des entreprises des exégètes. Le quatrième renferme les sentences favorites de frère Égide, elles n'ont d'autre importance que de montrer les tendances de l'enseignement franciscain primitif. Ce sont des conseils courts, précis, pratiques, imprégnés de mysticisme, et dans lesquels cependant le bon sens ne perd jamais ses droits. Le recueil tel qu'il est dans les Fioretti est sans doute peu postérieur à Égide, car dès 1385 Barthélemy de Pise en fournit un beaucoup plus long. Markem d'anarchive.org, 2023, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.